Vous écoutez Rage et vous êtes les bienvenus dans Exocet, votre intraveineuse hebdomadaire d'étrangeté. Ce soir dans Exocet, nous allons vous expliquer comment réaliser quelques expériences étonnantes à la maison, préparer un papier et un crayon parce qu'il y a des ingrédients à noter, effet garanti surtout auprès des amis et des proches, ça vous garantit des week-ends de folie, je vous préviens tout de suite. Et comme chaque semaine en seconde partie d'émission, vous découvrirez les infos les plus insolites de la planète, c'est Exocet et vous entrez dans la face cachée du monde. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Alors bien sûr, je tiens d'abord à saluer les personnes qui m'entourent. Thomas, bonsoir. Bonsoir à tous. Et Mika, la technique, bonsoir. Salut à tous. Alors, dans cette émission, on vous parle souvent de phénomènes qui sont parfois assez frustrants parce qu'on aimerait soit les voir, ces phénomènes, soit les vivre. Et donc, on est seulement obligé de les écouter. On ne peut pas en savoir vraiment beaucoup plus. Et ce soir, ce que je vous propose, c'est de vivre de véritables phénomènes étonnants à la maison avec, vous allez le voir, un minimum de moyens. Donc comment réaliser des expériences étonnantes à la maison? Alors ces exemples proviennent de l'excellent bouquin de Mick O'Hare, qui est journaliste au New Scientist, qui s'appelle « Comment fossiliser son hamster », un livre paru au Seuil, où vous pourrez trouver d'ailleurs de nombreuses expériences supplémentaires que je ne vous donnerai pas dans cette émission. Je vous recommande donc cet ouvrage chaudement, et puis je vous reparlerai du livre et de ses références de toute façon à la fin du sujet, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de noter. De la même manière, si vous êtes en voiture et que vous n'avez pas le temps de noter tous les ingrédients qu'il va falloir relever, ne vous inquiétez pas, je ferai un petit rappel à la fin, donc il n'y a pas de problème. On va démarrer par une expérience absolument hallucinante. Quand on l'a dit, on pourrait croire que c'est un gag, mais non, c'est bien réel. Thomas, est-ce que tu savais que tu peux voir ton ADN? Non. À l'œil nu, tu veux dire, sans totalement. Instrument. À l'œil nu, tu peux voir ton ADN et je vais t'expliquer comment. Je vais vous expliquer comment. Donc notez, vous allez voir, avec relativement peu en plus d'éléments, on peut voir, visualiser réellement son propre ADN. Alors, il vous faut une cuillère à café de sel dissoute dans un verre d'eau. Donc j'y vais doucement, histoire que vous puissiez noter. Une cuillère à café de sel dissoute dans un verre d'eau, un petit verre bien propre, bien nickel, un verre, un peu de liquide vaisselle et une boisson alcoolisée, de préférence de l'alcool, même à 90, en plus il y a de l'alcool, mieux c'est. Donc, je répète, une cuillère de sel dissoute dans un verre d'eau, un petit verre bien propre, un peu de liquide vaisselle et de l'alcool à 90. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, il faut commencer par mettre une cuillère à café de liquide vaisselle et 3 cuillères d'eau dans le verre propre. Ensuite, il faut faire un gargarisme d'eau salée avec, c'est important, la bouche propre, parce que si vous venez de manger, par exemple, donc un sandwich, vous aurez l'ADN de ce qui constitue le sandwich, hein, le porc, par exemple, qui constitue le jambon que vous mangez, ou le poulet, etc. Donc vous faites un gargarisme d'eau salée pendant 30 secondes, puis vous crachez dans la solution précédente, donc la solution composée de 3 cuillères d'eau et d'une cuillère à café de liquide vaisselle. Il faut touiller avec énergie pendant quelques minutes. Puis on verse 2 cuillères d'alcool glacé le long des parois du verre. Et il faut arriver à avoir une démarcation bien nette entre l'eau et l'alcool. L'alcool se trouve donc au-dessus. Mmh. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Très rapidement, on voit des filaments blanchâtres se former dans l'alcool. Et c'est votre ADN. D'accord. Ben c'est excellent. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est votre ADN. Extraction d'ADN en fait. Alors l'eau salée dans votre bouche se charge en cellules de la muqueuse et le détergent du liquide vaisselle dissout les membranes de ces cellules en libérant l'ADN qui se trouve donc dans les noyaux cellulaires. Et comme l'ADN est soluble dans l'eau mais pas dans l'alcool, il apparaît dans l'alcool en donnant donc ces filaments blanchâtres. Donc en fait voilà, c'est littéralement l'ADN qui s'est libéré des cellules. Qui sont contenus dans votre bouche. Et le plus troublant, c'est que ce que vous voyez dans le verre, mesdames et messieurs, c'est vous Voilà, c'est le portrait le plus fidèle que vous pourrez avoir de vous-même. Il est dans ce verre. C'est ses filaments blanchâtres. Donc, On est peu de choses déjà. On est vraiment peu de choses et ça permet d'en prendre conscience. Donc, voilà une expérience étonnante et très facile à faire. Donc, je vous rappelle les éléments demandés. Un petit verre bien propre, un peu de liquide vaisselle, de l'alcool et une cuillère à café de sel dissoute dans un verre d'eau. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour le gargarisme. Et vous pourrez voir votre ADN. Alors ensuite, parce que vous me direz, on est obligé de te faire confiance, hein, ces filaments blanchâtres, ça peut être n'importe quoi, tu nous dis que c'est de l'ADN. Bon, c'est effectivement, vrai, c'est si vrai. Vous le faites à vos amis, peut-être qu'ils vont pas vous croire, ils vont vous dire, mais tu te fous de notre gueule, ça doit être juste un résultat de la réaction entre le liquide vaisselle, pourquoi ça serait l'ADN. Et là, tu vas nous expliquer comment avec une pince à linge faire un clone à partir de notre ADN. Alors non. Parce que bon, effectivement, pour l'ADN, il va falloir me faire confiance, il va falloir faire confiance aux journalistes du New Scientist. Hein. Sachez que donc, c'est tout à fait scientifique, c'est un fait, mais vos amis voudront peut-être quelque chose de plus concret. Alors, voilà comment extraire le fer qu'il y a dans les céréales. Tout à fait, Thomas. C'est excellent. Alors, pour ce faire, il vous faut des céréales riches en fer, de préférence, les plus riches en fer que vous puissiez trouver, c'est écrit dessus en général. Pour ça, les pétales de maïs sont idéales. Voilà, riches en fer. Ensuite, un mixeur, de l'eau chaude et un aimant. Alors, dans le mixeur, vous mettez l'équivalent d'un bol de céréales, vous faites tourner le mixeur pour obtenir une fine poudre, hein, plus elle est fine, mieux c'est, et vous ajoutez à la mixture de l'eau chaude. Voilà, donc vous mélangez l'eau à la poudre, et puis là, vous mettez l'aimant contre le mixeur à hauteur de la poudre, et vous arrêtez l'appareil sans bouger l'aimant. Et là, l'aimant attire un petit tas de fer qui suivra scrupuleusement les mouvements que vous lui donnerez. Alors, ce petit tas est vraiment constitué de fer, hein, le même fer que vous pouvez trouver sur les rails de chemin de fer, dans les voitures, dans les motos, etc. Alors, c'est un métal lourd, et vous mangez du fer ajouté au moment de la fabrication, quand vous mangez des cornflakes. Voilà, donc c'est ce que nous apprend Mick O'Hare dans ce livre. C'est vrai que ça fait bizarre, parce que bon, quand on dit oui c'est riche en fer, etc., on le dit sans vraiment penser à ce que ça peut impliquer, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du fer, du vrai fer. Donc la raison de cet ajout dans les céréales, c'est que le fer sous forme d'ions serait plus efficace, mais la dégradation des céréales serait accélérée, donc il préfère employer le fer sous sa forme métallique et non ionique. Alors, il faut savoir que l'acide de l'estomac dissout un peu de ce fer, qui est ensuite absorbé dans le tube digestif, et la majeure partie du fer est éliminée dans les selles. Alors, je rappelle, pour info, donc, que les êtres humains ont tous besoin de fer pour de nombreuses fonctions essentielles. Donc, l'hémoglobine, déjà du sang, contient du fer, elle transporte l'oxygène dans le sang en le fixant à ses atomes de fer, et comme nos globules rouges sont continuellement remplacés, le fer est indispensable à notre survie. Donc voilà, ça peut paraître bizarre, hein, donc ça me fait penser d'ailleurs à Iron Man qui sort en ce moment sur les écrans. Voilà, l'homme de fer, c'est un peu nous tous finalement, et vous pouvez le voir donc dans vos céréales. On continue avec une expérience encore plus simple à réaliser et qui ne manquera pas, je pense, de faire son petit effet en soirée. Alors, il s'agit de faire nager un grain de riz. Alors, pour ça, il vous faut un verre de limonade et un grain de riz. Voilà, ça s'arrête là. Alors, il faut laisser tomber le grain dans la limonade et attendre. Là, le grain va couler au fond du verre. Et tout à coup, aux surprises, il va remonter à la surface comme s'il essayait de survivre et de respirer désespérément. Il va remonter à la surface du verre et là, il va couler à nouveau. Et il va remonter encore une fois. Alors, pourquoi ? Eh bien, le grain coule parce qu'il est plus dense que la limonade, donc ça c'est normal. Et là, il y a des bulles de gaz carbonique qui vont se former autour du grain. Et finalement, ces bulles vont faire office de sac d'air, comme les bonbonnes attachées à un plongeur. Et donc, elles vont permettre au grain de remonter, ces bulles. Alors en surface, évidemment, elles éclatent, et donc le grain replonge au fond du verre, et une fois qu'il est au fond, il remonte grâce aux mêmes bulles, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gaz dans la limonade et que le grain s'immobilise définitivement. Alors, Selon les étudiants de l'université d'Aberdeen, qui ont essayé plusieurs mélanges et qui ne doivent pas s'ennuyer en soirée... C'était ma question, ce que j'allais dire, tu précises bien, limonade, ça fait pareil avec de l'eau gazeuse, ça fonctionne ou pas? Alors, selon ces étudiants, donc, les meilleurs résultats sont obtenus avec de la bière blonde et des cacahuètes salées, donc ils mentionnent même qu'une poignée de cacahuètes dans de la bière blonde, ça fait l'effet des lava-lampes des années 70, mm-hmm. avec les boules comme ça qui gigotent dans une espèce de lampe en forme de fusée. Là, vous voyez tous de quoi je veux parler. De la valente, quoi. Et évidemment, il faut le savoir, la bière est quand même moins bonne après qu'on y ait plongé une poignée de cacahuètes, mais ça vaut quand même le coup hein, de tester. En plus, bon, pour le coup, c'est vraiment facile et ça ne coûte rien. Donc voilà, je répète, un verre de limonade, un grain de riz ou donc de la bière blonde et des cacahuètes salées, et vous verrez donc le riz et les cacahuètes survivre, enfin essayer de survivre désespérément jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gaz. C'est assez étonnant, voilà. On marque une première pause musicale et juste après, encore plus d'expériences hallucinantes à faire à la maison facilement, et puis je vous rappellerai les ingrédients de cette première salve. Restez avec nous. Last night. Épisode 7. Le magazine de l'étrange et de l'insolite. Toujours dans Exocet, je vous rappelle que vous nous écoutez dans le Vaucluse sur le 90.3, dans le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône sur le 102.5 FM et partout ailleurs dans le monde sur le RAGE.fr. Voilà. Alors ce soir dans Exocet, on vous explique comment réaliser des expériences étonnantes à la maison. Donc on vous a déjà expliqué comment fabriquer, comment voir son propre ADN un peu de liquide vaisselle, de l'alcool et un verre d'eau. Donc voilà, c'est quand même assez hallucinant d'imaginer qu'on puisse voir son ADN, en plus avec aussi peu de moyens que ça. Ensuite, on vous a expliqué comment extraire le fer qu'il y a dans vos céréales. Donc avec suffisamment de céréales, on peut finalement fabriquer un petit objet en fer. C'est un peu cher, mais... Oui, bon, en même temps, c'est vrai que c'est plus solide que les petits cadeaux qu'on trouve dans les boîtes de céréales habituellement en plastique. C'est vrai. Pour suffisamment de boîtes de céréales, vous avez un petit jouet en fer. Bon, il faut le fabriquer. Et enfin, donc, comment faire nager un grain de riz dans de la limonade, donc qui coule, puis qui remonte, qui recoule et qui remonte. Et apparemment, ça marche très bien aussi avec des cacahuètes dans la bière blonde. J'ai plus essayé le truc des cacahuètes, moi. Voilà, je pense aussi. Et on va continuer avec une expérience particulièrement étonnante qui vous permet de transformer un œuf en miroir. Alors, pour ce faire, il vous faut un œuf, une bougie, de l'eau et un bol, de préférence transparent. Alors, si vous êtes à la maison, tiens, je vous laisse quelques secondes pour aller chercher, les ingrédients. Thomas, j'en profite pour te demander. Donc, un œuf cru suffit, là, à l'heure actuelle. Ah, un œuf dur. Oui, n'importe quel œuf. D'accord. Non, parce que s'il faut que tu sois dur, il faut leur laisser 3 minutes, oui, si je me trompe pas. N'importe quel œuf. Oui, alors Thomas, j'en profite pour te demander si tu veux essayer toi-même, en rentrant chez toi, de ces expériences. C'est obligé, je vais en tenter. Ça, c'est clair. Au moins, voir ton ADN. Ça, c'est clair. Ah, bah, le truc de l'ADN, c'est bluffant. Moi, en plus, s'il y en a qui l'ont réalisé, là, qui veulent apporter leur témoignage, qu'ils n'hésitent pas, hein, pourquoi pas, mais moi, franchement, ça me bluffe. Hein. Alors, en plus, sans vouloir entrer dans ta vie privée, vivant avec une chimiste, c'est vrai, peut-être qu'elle va t'expliquer comment tout ceci fonctionne, on sait pas. Bah, à mon avis, ton explication tient quand même plutôt bien la route, hein, cette extraction, enfin, quelque part, les scientifiques veulent prélever de l'ADN, ils doivent certainement utiliser un détergent, pareil, de la même façon, alors c'est certainement pas du produit vaisselle, hein, ça doit être un produit un tout petit peu plus pur, mais voilà, ils ont certainement plus ou moins la même technique. Après, tu sais, ils foutent ça dans les centrifugeuses, là, donc pour faire tomber l'ADN en bas, donc ça ressemble un petit peu ça ressemble un petit peu à la chose, hein. Alors, je m'avançais pas jusqu'à dire que ils utilisent à peu près la même technique pour extraire l'ADN, hein, dans la grande approche, hein. Mais en tout cas, bon, les scientifiques fauchés, sans doute. C'est clair. Et en Russie, voilà, beaucoup ils font ça. Ouais. Voilà, donc j'imagine que vous avez pu réunir les ingrédients à présent: un œuf, une bougie et de l'eau, ainsi qu'un bol de préférence transparent. Donc, vous allumez la bougie, vous prenez l'œuf entre le pouce et l'index, et vous tenez l'œuf au-dessus de la flamme pour qu'il se couvre de suie, hein, pour qu'il devienne bien noir. Vous le faites tourner, voilà, jusqu'à ce qu'il soit bien noir. Et là, vous mettez l'œuf dans le bol et vous remplissez d'eau. Et, aux surprises, l'œuf n'est alors plus ni noir ni blanc, il est argenté comme un miroir. Ouais. Alors, l'effet de miroir est dû à une mince couche d'air qui est piégée entre l'œuf et l'eau, et la suie qui recouvre l'œuf repousse l'eau, et là, donc, la lumière qui arrive sur cette interface... cette pellicule. Faite à moitié d'eau et d'air, est réfléchie comme par un miroir, et au bout de quelques temps, le léger film d'air disparaît et l'œuf redevient noir. Et en plus, donc, vous pouvez manger l'œuf après l'expérience, hein, puisque bon, il est excellent, il reste comestible. Mais voilà, ce qui est très surprenant, c'est que pendant quelques instants, donc, cet œuf sera aussi réfléchissant qu'un miroir. Et en plus, moi, quand t'as dit qu'il fallait mettre l'œuf en noir, je pensais que c'était justement pour transformer. Ben, on sait comment fonctionne un miroir, hein, c'est une plaque noire devant une vitre, donc je pensais que c'était la couleur de l'œuf qui devenait miroir, mais apparemment, c'est plutôt la suie qui a une propriété intéressante avec l'eau qui la repousse, et donc crée cette petite pellicule. Donc c'est même pas la couleur qui joue là-dessus, c'est purement... C'est de la physique, quoi, là. Voilà, effectivement, c'est cette pellicule d'air entre l'œuf et l'eau qui fait que donc la lumière se réfléchit. Alors on continue avec une expérience tout aussi étonnante qui vous permettra de créer un nuage dans une bouteille. Alors pour ça, il vous faut des allumettes, de l'eau et une bouteille de 2 litres en plastique transparent. Alors qu'est-ce que vous faites avec tout ceci ? Bon, en admettant que vous l'avez sous la main. De toute façon, je vous rappelle que je vous redonnerai les éléments à la fin. Donc voilà, préparez en tout cas un papier et un crayon. Alors, il vous faut mettre juste assez d'eau pour recouvrir le fond de la bouteille. Et là, vous agitez bien. Vous allumez l'allumette. Vous la laissez brûler un petit peu. Vous soufflez dessus. Et là, vous la faites tomber dans la bouteille, et puis vous rebouchez hermétiquement aussitôt. Dès que l'allumette a touché le fond de la bouteille, vous la refermez hermétiquement. Et puis là, vous comprimez la bouteille énergiquement 4 ou 5 fois de suite, hein, donc vous la pressez comme ça. Et qu'est-ce que vous allez voir ? Eh bien, vous allez voir un nuage se former dans la bouteille quand vous laissez tomber l'allumette. Et ce nuage disparaît lorsque vous comprimez la bouteille, et il réapparaît à volonté quand vous relâchez la pression sur la bouteille. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le nuage se forme sous l'action de trois facteurs. La fumée de l'allumette, les gouttelettes de vapeur d'eau présentes dans la bouteille suite à l'agitation de l'eau, et la variation de pression de l'air qui est produite donc lorsque vous comprimez la bouteille. Alors, le nuage que vous voyez est un nuage de vapeur d'eau, mais pour qu'un tel nuage se forme, donc la présence de noyaux de condensation, qui sont des petites particules solides, est nécessaire. Alors c'est la fumée de l'allumette qui apporte ces particules, et quand vous appuyez sur la bouteille, la pression augmente, ainsi que la température, et l'eau passe à l'état gazeux. Le nuage disparaît, et il réapparaît quand vous relâchez la pression. Alors, il faut savoir que les vrais nuages se forment exactement de la même manière, sauf que la vapeur d'eau provient alors évidemment de l'évaporation de l'eau de mer ou des rivières, mais le concept est le même. La condensation, les différences de pression de l'air. Donc vous pouvez effectivement former un authentique mini-nuage dans une bouteille. Expérience vraiment étonnante qui suit, que je vous invite à réaliser. Il s'agit de créer une substance qui se solidifie lors d'un impact. Très étonnant. Alors pour ce faire, là c'est déjà plus rare, hein, donc vous pouvez le noter dans la prochaine liste des courses, il vous faut 300 g de farine de maïs. Voilà, c'était ça. Déjà, ouais. C'était ça le truc qui est rarement présent dans les placards. Ensuite, bon, c'est facile, 250 ml d'eau, un bol métallique et une cuillère. Alors une fois que vous avez votre farine de maïs, il faut la mélanger avec de l'eau dans le bol jusqu'à ce qu'elle devienne trop dure pour être remuée avec la cuillère. Arrêtez, et là, recommencez à remuer. Vous pouvez même essayer avec votre doigt, et vous pouvez même frapper le mélange avec un marteau. Quand vous arrêtez de remuer le mélange avec la cuillère, il redevient liquide, puis il durcit à nouveau si vous continuez à remuer. Alors, si vous essayez avec votre doigt, que vous enfoncez le doigt dans le mélange, aucune résistance. Par contre, si vous essayez de retirer votre doigt rapidement, il sera emprisonné par la pâte. Si vous passez la main dans le mélange, vous allez réussir à prélever une boule de pâte. Mais si vous arrêtez de malaxer le mélange, il redevient liquide et il va couler entre vos doigts. Vous pouvez même frapper le mélange avec un marteau. Et si vous frappez suffisamment fort, il y a des fragments qui vont être projetés. Et ils vont se liquéfier aussitôt, comme dans Terminator 2. Exactement pareil. C'est la classe. Et vous pouvez projeter des boulettes du mélange sur le mur. Donc la boulette est solide dans votre main, vous la projetez sur le mur, et elle va se liquéfier. Donc évidemment, on en fout partout, mais c'est quand même rigolo. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le mélange que vous avez fabriqué est ce qu'on appelle un matériau dilatant. Alors il durcit dès qu'une forte pression lui est appliquée, et la cause, c'est que sous l'effet d'une force, ce matériau adopte une structure plus ordonné qu'à l'état liquide, et il passe donc à l'état solide. Il n'y a que la farine de maïs qui possède des caractéristiques aussi hallucinantes, puisque l'effet inverse aussi peut se produire, c'est-à-dire que c'est liquide quand on bouge, quand on exerce une force, et ça devient solide quand on ne bouge plus, et c'est comme ça d'ailleurs que fonctionnent aussi les sables mouvants. Si on s'agit trop dans les sables mouvants, on coule. Par contre, si un jour vous êtes pris dans les sables mouvants, faites de légers mouvements de brasse et donc vous vous en sortirez. Donc c'est bien connu qu'il ne faut pas bouger. Et donc la farine de maïs, voilà, c'est vraiment une substance très étonnante. Donc je vous invite à essayer ça. Et enfin, bien évidemment, pour terminer cette série d'expériences étonnantes à faire à la maison, le grand classique que vous avez tous vu sur Internet, fabriquer un geyser de Coca-Cola. Vous avez tous vu la fameuse vidéo. Alors pour ça, il vous faut, vous le savez déjà, un paquet de Mentos et une bouteille de 2 litres de Coca, de préférence light, puisque apparemment ça marcherait mieux. Alors, comment faire pour que ça fonctionne, hein ? Vous avez tous, j'imagine, voulu essayer au moins une fois, donc je vous conseille quand même de le faire en extérieur, bien évidemment. Alors il faut ouvrir la bouteille. Je vous le conseille aussi, pour l'avoir tenté l'expérience. Ah, tu l'as fait, tu l'as fait. Je vous le conseille fortement. Donc tu peux témoigner un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, c'est impressionnant, c'est vraiment... D'abord raconte l'expérience, parce que ça va gâcher pour ceux qui ne connaîtraient pas la chose. Mais... Alors vous ouvrez la bouteille, vous la calez pour qu'elle ne tombe pas, et là vous ouvrez le paquet de Mentos et vous faites en sorte que tous les bonbons tombent en même temps dans la bouteille. Alors une bonne technique pour ça... c'est de placer les bonbons dans un tube, comme un tube d'aspirine, avec un petit carton en dessous, et de retirer le carton rapidement, donc comme ça, tous les bonbons tombent en même temps dans le coca. Et là, un geyser de coca jaillit, parfois de plusieurs mètres de haut. Alors la cause de la réaction qui se produit est encore en débat parmi les spécialistes, c'est étonnant mais c'est vrai. Donc en fait, la réaction, c'est cette libération brutale de gaz carbonique dans le coca. Mais qu'est-ce qu'il a produit? Ça reste encore sujet à discussion. Alors le coca contient de l'acide phosphorique, du sucre, de l'eau et du gaz carbonique. Et donc une première théorie, c'est que la gélatine et la gomme arabique du Mentos abaissent d'un seul coup la tension superficielle du coca, ce qu'on appelle la tension superficielle. Ça permet au gaz carbonique de former d'énormes bulles et de s'échapper donc de la solution. Mais la gomme arabique des Mentos n'est pas le seul ingrédient capable de faire... buller le coca, puisque apparemment un phénomène physique interviendrait également. La surface des Mentos est poreuse, microporeuse, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites pores qui favorisent la création de bulles de gaz carbonique, et en plus les Mentos coulent et ils traversent très rapidement l'épaisseur du liquide, ce qui donne une augmentation de pression très rapide, et donc ça provoquerait ce geyser. Alors Thomas, qui l'a fait, raconte-nous un petit peu. Ah ben c'est franchement clair que c'est si, alors il y en a certains qui foirent un petit peu, hein. On a toujours un effet, mais de temps en temps quand ça passe vraiment bien, on peut avoir des jets qui montent à 5-6 mètres sans problème. Vraiment ça peut vraiment aller assez haut, quoi. Donc t'as essayé plusieurs fois, toi? Ah oui, j'ai essayé plusieurs fois. j'ai acheté le mieux c'est d'acheter un pack, parce que quand on essaie avec la première bouteille que ça foire à moitié, on est un peu déçu. Ah oui, parce que il faut donc préciser que le contenu de la bouteille se vide intégralement. Ah, c'est, là c'est foutu, hein. Là si vous comptez le boire après, c'est nickel. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est voilà. Donc je vous conseille d'acheter un petit pack. Le premier, vous allez le foirer, c'est à peu près certain. Le second, vous allez vous en foutre partout. Et puis le troisième, vous allez commencer à maîtriser. Et là, vous allez vouloir battre des records. Donc les trois bouteilles qui restent encore dans le pack sont les bienvenues. Et après, il faut essayer d'établir un petit record. Et franchement, c'est vrai que c'est assez sympa. Il y a même un truc, mais alors là, il faut la jouer très fine. Il faut réussir. Alors avec vos anciennes bouteilles, vous découpez le cul des bouteilles pour en faire un support pour la bouteille neuve, de telle sorte que une fois que vous avez mis les Mentos, vous retournez la bouteille et vous pouvez essayer de faire partir comme ça la bouteille, qui peut monter aussi jusqu'à 2-3 mètres et faire une mini fusée. Ça marche aussi pas mal. Jolie variante. Ouais. Alors je vous rappelle que toutes ces expériences sont extraites de cet excellent livre de Mick O'Hare, Comment fossiliser son hamster, un livre qui est paru aux éditions du Seuil. Et comme je vous le disais en début d'émission, vous pourrez trouver dans ce livre de nombreuses expériences en plus, très étonnantes. Et bien évidemment, vous connaîtrez la réponse à la question comment fossiliser son hamster. Je ne vous l'ai pas dit pour que vous ayez la curiosité d'aller voir vous-même. Et donc je vous rappelle vite fait les expériences que je vous ai proposées ce soir. Voir son ADN avec un verre, du liquide vaisselle et une boisson alcoolisée, de préférence de l'alcool à 90, qui n'est pas une boisson mais c'est de l'alcool. Voir le fer qu'il y a dans les céréales, il vous faut des céréales riches en fer, un mixeur dans lequel vous réduisez les céréales en poudre, de l'eau chaude que vous mélangez à la poudre et un aimant que vous collez contre le mixeur, que vous arrêtez ensuite. Et là, vous verrez qu'il y a un petit tas de fer qui colle à l'aimant. Pour faire nager un grain de riz, très facile, un verre de limonade et un grain de riz qui va couler au fond du verre, et avec le gaz carbonique, le grain de riz va remonter, puis recouler, puis remonter comme ça. Ça marche aussi donc manifestement avec des cacahuètes et de la bière. Pour transformer un œuf en miroir, et donc là, effet saisissant, il vous faut un œuf, une bougie avec laquelle vous couvrez l'œuf de suie, donc hein, vous laissez l'œuf au-dessus de la bougie, puis vous mettez l'œuf dans un bol rempli d'eau, et là, donc, vous verrez l'œuf devenir argenté, comme un miroir réfléchissant, donc un effet assez saisissant. Pour créer un nuage dans une bouteille, il vous faut de l'eau, une bouteille de 2 litres en plastique transparent, et une allumette, donc Vous allumez l'allumette, vous la soufflez, vous la laissez tomber dans la bouteille dans laquelle vous aurez au préalable mis un petit fond d'eau. Vous fermez immédiatement la bouteille hermétiquement, et là, il y a un petit nuage qui va se créer. Pour créer une substance hallucinante comme dans Terminator 2 qui se solidifie quand il y a un impact. Ça, je trouve ça énorme. Il vous faut de la farine de maïs, 300 g de farine de maïs, 250 ml d'eau, un bol métallique et une cuillère. Donc vous mélangez le tout et au bout d'un moment, la substance sera trop solide pour que vous puissiez continuer à mélanger. Mais si vous la prenez dans votre main et que vous la laissez couler, vous verrez qu'elle se liquéfie. Et donc voilà, une substance très étonnante. Vous pouvez même frapper à coups de poing dedans, ça sera très solide. Et si vous plongez doucement votre doigt, vous verrez qu'il n'y aura aucune résistance. Donc, et d'ailleurs, il y a des vidéos qui circulent sur lesquelles on peut voir des gens marcher sur une bassine remplie donc de farine de maïs. Et donc, les propriétés sont vraiment étonnantes, hein, les propriétés de cette substance dans ce matériau dilatant, puisque quand ils courent sur la surface, ils peuvent marcher dessus. Il y a des ondulations, mais ils peuvent marcher dessus. Et dès qu'ils s'arrêtent, ils coulent. Donc voilà, c'est très étonnant. Et puis donc, le geyser de coca, évidemment, vous le connaissez, un paquet de Mentos, une bouteille de 2 litres de coca, de préférence light, et donc voilà, un bon tablier. Voilà, à vous les geysers. Bah écoutez, j'espère que vous vivrez de bonnes expériences. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions et vos témoignages sur le forum, hein, rage.fr. Voilà, le forum de Rage. On marque une pause musicale et juste après, ça sera les infos insolites de la semaine. Ne ratez pas ça. Cameras before you come, but so Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. C'est l'heure des infos insolites d'Exocet, les infos les plus incroyables qu'on a pu récupérer cette semaine sur toute la planète. Et on démarre tout de suite avec une histoire qui s'est déroulée en Angleterre. Des habitants terrifiés de Beechester en Angleterre ont appelé la police parce qu'un homme masqué équipé d'une tronçonneuse, ça nous rappelle à tous quelque chose, errait dans les rues. Quelques minutes plus tard, une unité d'intervention arrivait sur les lieux, donc voilà, pour une fois, ils étaient sérieux, ils sont arrivés quasiment tout de suite, avec un hélicoptère de la police. Ils ont arrêté ce dangereux psychopathe tout droit sorti d'un vendredi 13, et là, ils se sont aperçus que la tronçonneuse était fausse et que l'homme se rendait un bal costumé. Donc con, voilà, il a quand même mobilisé une unité d'intervention et un hélicoptère, rien que pour lui, donc il devait être flatté, et j'imagine que son costume devait être super réaliste. Ah ouais, quand il a gagné le concours. Et il a gagné certainement, j'espère au moins, c'est le minimum. Quand les cauchemars deviennent réalité, en Australie, un hôpital a dû fermer ses portes pendant pas moins de 24 heures. La raison, c'est une invasion d'araignées venimeuses. En gros, le personnel est arrivé le matin et s'est aperçu que l'hôpital était littéralement jonché sur les murs et les plafonds de micro-araignées. Alors c'est apparemment une araignée assez commune en Australie, puisqu'ils ont quand même des animaux pas forcément très sympathiques. Donc c'est vrai que le plus dangereux, ça reste la vipère. Chez eux, ils ont des araignées, enfin des serpents un petit peu plus méchants que ça. Alors le directeur de l'hôpital a voulu être rassurant en disant qu'effectivement ces araignées attaquaient rarement l'homme, donc il n'y avait pas trop lieu de s'inquiéter, mais ils ont quand même préféré fermer les portes devant l'invasion assez inexpliquée, si ce n'est que la chaleur est arrivée plus tôt cette année en Australie. Mais voilà, apparemment c'était digne d'un bon film d'horreur, genre les fourmis envahissent l'hôpital. Ah, très très très très dur, À la limite les fourmis ça passe, mais les araignées, C'est tendu. C'est quand même assez chaud. On continue avec cette femme qui a été arrêtée après avoir poursuivi son petit ami avec un couteau. Donc vous me direz, jusqu'ici, rien de très étonnant dans cette émission, c'est assez classique. Tout a commencé quand la victime et sa compagne regardaient un film porno dans leur maison d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. Et soudain, la jeune femme âgée de 20 ans, qui s'appelle Amanda Moya, a décrété que son mec était un acteur du film et lui a mis un couteau sous la gorge. Alors le garçon s'est enfui, courant sur la route, seulement vêtu d'un caleçon, pendant que sa petite copine lui filait le train avec un couteau. Et donc le garçon, tout en courant, appelait les secours sur son téléphone portable. Il a expliqué que sa copine lui avait déjà entaillé le visage et qu'elle l'avait mordu au torse. Son interlocuteur lui a dit de continuer à courir et d'essayer de rentrer dans une boutique, et Amanda Moya a donc été arrêtée pour agression aggravée, ainsi que pour mauvais traitement sur son enfant de 8 mois, étant donné qu'elle a laissé seule dans la maison pendant qu'elle coursait son petit ami. Donc elle a tout gagné. Par contre, l'histoire ne dit pas si effectivement le jeune homme était l'acteur du film porno, parce que à moins d'un véritable pétage de plomb pour qu'elle soit sûre et certaine au point de courser avec un couteau... Je la reconnais, c'est la tienne. Voilà, il y a quand même des chances que ce soit assez... frappant comme ressemblance. Donc, c'est clair. Voilà. Il va avoir un sosie en tout cas, c'est certain. Sans doute. En Allemagne, un homme a failli virer à la crise de nerfs, voire même a failli tout simplement être interné à l'hôpital. Son histoire a pris une proportion assez énorme. Pendant 2 ans, il a subi les appels de quelqu'un qu'on a fini, même la police elle-même a fini par qualifier de totalement psychopathe. Donc pendant 2 ans, il recevait des centaines et des centaines de coups de fil par jour. Impossible de savoir d'où ça venait. Souvent, il y avait un bruit robotique. Enfin vraiment, on se demandait d'où ça venait. On pensait réellement à un harcèlement. Et puis au fur et à mesure des enquêtes, qui ont quand même pris 2 ans... Je le rappelle, vous imaginez 2 ans avec des centaines d'appels par jour chez vous, il y a de quoi vraiment péter un câble. Ils ont remonté comme ça les appels, ils voyaient pas trop d'où ça venait, jusqu'à ce qu'ils trouvent la solution. Il y avait tout simplement une erreur sur le réseau téléphonique. Et un de ses voisins coiffeurs, en tout cas de la rue d'à côté, à chaque fois qu'il encaissait des paiements par carte bancaire, ça faisait sonner le téléphone chez lui. Donc voilà, le coiffeur avait une bonne activité déjà, ce qui nous rassure pour le coiffeur. Mais voilà, donc à chaque fois que les clients venaient payer, ça sonnait chez ce pauvre homme qui entendait soit des voix robotiques, soit des trucs, et il a fini par péter un câble pendant 2 ans, on le comprend quand même le pauvre. J'imagine, ouais. On continue avec cette histoire de policiers estoniens qui ont été choqués lorsqu'ils se sont aperçus que le conducteur d'une voiture qu'ils avaient arrêtée était non seulement bourré, mais également aveugle. Alors, le conducteur s'appelle Christian Gradolf, il est âgé de 20 ans, il est totalement aveugle, hein, il n'est pas légèrement aveugle ou quoi que ce soit, il n'a pas un problème de vue, il est aveugle. Et il conduisait grâce aux directives que lui donnait son comparse assis sur le siège passager, qui lui disait donc à droite, à gauche, tout droit. Et un test, un alcotest a permis de découvrir que Gradolf avait dans le sang 2,5 fois la dose légale d'alcool admise en Estonie. Les deux hommes donc encourent une peine de 1000 euros d'amende environ, et Gradolf risque d'aller en prison pour avoir mis en danger évidemment la vie d'autrui. Mais Gradolf a dit, c'est pas démonté, il a dit: c'est vrai que je suis aveugle, mais j'aime conduire, et d'ailleurs je suis très bon au volant. Alors, on lui fait confiance sans hésiter, mais personnellement, je passe mon tour. Hein. Voilà. C'est clair. Si vous décidez de vous installer en Russie, réfléchissez-y à deux fois. Un homme, en rentrant de vacances, tout simplement, s'est aperçu que sa maison avait disparu. Alors, c'est pas la première fois, hein, qu'on parle de choses étonnantes comme ça, de maisons qui disparaissent dans l'Exocet. Souvent, c'est une entreprise de démolition qui fait tout simplement mal son travail et qui rase la maison qu'il fallait pas. Là, l'histoire est encore plus étonnante, surtout qu'elle est qualifiée de normale par la police locale. Donc, cette personne rentre chez elle, elle ne voit plus sa maison, plus de meubles, plus rien, plus une seule brique, sauf la trace de l'emplacement de la maison. Donc il appelle évidemment la police, qui fait une enquête et s'aperçoit que c'est son voisin, pendant son absence, qui a démonté sa maison brique par brique, qui a revendu chaque brique, chaque fenêtre, chaque évier, lavabo. Et la police a déclaré: effectivement, c'est une coutume qui arrive assez fréquemment dans certaines régions. La phrase de la police exacte, c'est: ce n'est pas la première fois que des tels cas se produisent, et dans des régions lointaines, cela est même considéré comme normal. Donc voilà, si jamais vous installez en Russie, qu'on démonte votre maison brique par brique, c'est apparemment énorme. C'est une coutume il était locale. Parti, il était parti combien de temps? Apparemment, il est parti une petite quinzaine. Donc en plus, le mec, c'est un bon bricoleur. C'est un bon bricoleur, en plus. Ah, c'est énorme, effectivement. On continue avec cette découverte fabuleuse, hein, tout droit sortie d'un film d'aventure. Donc, la découverte d'un bateau, d'une épave, remplie de trésors. Donc, c'est une chasse aux diamants le long de la côte de Namibie qui a permis de mener à la découverte de cette épave qui est âgée de plus de 5 siècles. Et à l'intérieur de l'épave, le butin de pièces d'or et de canons en bronze encore intacts. Alors un porte-parole de Namdeb, qui est la compagnie donc, qui a fait la découverte, a dit que le bateau était considéré comme la plus vieille carcasse jamais découverte en Afrique, aux côtes de l'Afrique subsaharienne. Et donc, parmi le trésor contenu dans le bateau, il y avait donc 6 canons en bronze, des tonnes de cuivre, une cinquantaine de défense d'éléphants, donc de l'ivoire, il y avait de l'étain, des instruments de navigation, des armes et des milliers de pièces d'or portugaises et espagnoles, datées du 15e et du 16e siècle. Alors, si on réussit à établir que ce bateau est contemporain de ceux de Vasco de Gama, donc le célèbre navigateur, et Christophe Colomb, il y a 5 siècles, ça serait une découverte absolument immense et d'un intérêt international. Donc voilà, c'est vrai que c'est le genre de truc qui n'arrive que dans les films, tout à coup, une épave, un vieux bateau comme ça, âgé de plusieurs siècles, avec son trésor intact à l'intérieur. Donc, bon, c'est une société privée qui l'a découverte, c'est pas un plongeur chanceux. Mais en tout cas, voilà, on attend de savoir si effectivement il est contemporain des galions de Christophe Colomb. Une insolite scientifique qui va ravir les fans de Léonard de Vinci. Donc on savait Léonard de Vinci, inventeur de tonnes d'objets, on sait même qu'il a dessiné des plans d'hélicoptères, des pré-plans d'hélicoptères. Et un Suisse a décidé de concrétiser les plans de Léonard de Vinci, alors pas au niveau de l'hélicoptère, mais au niveau du parachute que Léonard de Vinci avait inventé en son temps. Donc il a repris texto les plans. Alors évidemment, pas fou complètement, il a fait un saut de pas trop haut, hein. Il s'est dit: je vais pas tenter le 2000 mètres tout de suite, donc il s'est lancé de 650 mètres, mais l'expérience a été une vraie réussite, et quand on voit la tronche du parachute, on se dit que franchement, il fallait quand même déjà oser de sauter de 650 mètres avec, parce que c'est une espèce de vulgaire pyramide. Ah oui, c'est le fameux voilà, cône, ouais, c'est le cône, voilà, donc... Il a eu le courage de sauter, et effectivement, les plans de Léonard de Vinci devaient être corrects, puisque son vol a été une totale réussite. Oh, alors, génial. Par contre, il dit qu'effectivement, il ne sauterait pas beaucoup plus haut, parce que bah, les mouvements, les courants de vent, etc., étaient relativement durs à gérer avec cette forme de parachute, surtout comparé aux parachutes modernes. Mais voilà, Léonard de Vinci avait quand même réussi à concevoir un parachute sans même jamais avoir sauté. Hallucinant, c'est vraiment... Ce qui est quand même assez fort. Il aurait été heureux de le savoir. Alors, la transition est toute trouvée avec cette tradition dont dont je vais parler. Une tradition qui est pratiquée par les musulmans en Inde. Donc là, en l'occurrence, ça se passe en Inde de l'Ouest. Et donc, les musulmans de cette région de l'Inde observent un rituel très étrange depuis des siècles. Ils jettent leur bébé, leur nouveau-né, du haut d'une tour assez haute, vous allez le voir. Alors, les croyants pensent que ce rituel permet aux enfants d'être plus résistants, de ne plus craindre les maladies, etc. Ça se passe dans un temple à Solapur. Et ça fait 5 siècles qu'ils balancent des bébés. Alors, le bébé est jeté de cette tour de 15 mètres de haut et il atterrit sur un drap blanc qui est tendu par les gens qui sont en bas. Et jusqu'à présent, donc d'après effectivement les pratiquants de ce rituel, aucun bébé n'a été blessé. Alors, pour avoir vu la vidéo, c'est hallucinant, puisque donc on voit des centaines de personnes massées comme ça autour de la tour en attendant que le bébé soit jeté, et en haut donc il y a un homme qui tient le bébé dans ses mains et qui le jette comme ça et il tombe dans le vide. Donc c'est très impressionnant, hein, puisque bon, chez nous déjà quand on tient un bébé dans ses bras on a peur qu'il tombe juste de notre hauteur, donc là de le jeter de 15 mètres, et donc dans la vidéo en l'occurrence c'est vrai que le bébé tombe intact, hein, il arrive sur le drap, mais bon c'est quand même très inquiétant quand on le voit, et donc j'essaierai de vous mettre le lien vers cette vidéo, soit sur le forum de Rage, rage.fr, soit sur le blog d'Exocet, exocet-rage.net. Thomas, une petite dernière pour la route. Allez, une petite dernière vraiment très très vite fait parce qu'on a plus trop le temps. Est-ce que vous savez que si jamais vous ne l'avez pas, votre clavier d'ordinateur, ben cela revient à manger sur des toilettes? Effectivement, c'est une étude qui a été menée, alors c'est absolument dégueulasse. On s'est aperçu que les gens ne nettoient jamais leur clavier d'ordinateur, c'est vrai, hein, moi le premier. Bah oui, moi non plus. Et on sait aussi que beaucoup de gens sont dégueulasses en dehors de leur clavier d'ordinateur. Toi le premier. J'aurais pas été jusqu'à le dire publiquement à la radio, mais effectivement, donc beaucoup ne se lavent pas les mains en partant des toilettes, ouais. Ne se lavent pas les mains après avoir mangé, etc. Et donc des milliers de tonnes de bactéries se retrouvent coincées sur le clavier. Et effectivement, il est plus dangereux de lécher un clavier qu'une cuvette de toilette. Ouais. Donc voilà, c'était un peu la news dégueulasse de la soirée. Ah, mais maintenant, ça va vous faire laver vos claviers. C'est une bonne chose. Et c'est sur ce bon conseil que l'émission se termine. C'était Exocet. J'espère que l'émission vous a plu. Elle sera rediffusée dimanche à 22h. Juste après, sur Rage, c'est la récréation et Rage par un live. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Vous restez sur Rage. Bye bye. Ciao à tous. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite.